représente Nice. Je viens de Brice, dans l'Essonne. J'espère que mon son cartonne et qu'il résonne. Alors prépare ton putain d'iPhone. Cette année, on est là pour tout péter. Tous ces rageux, on les laisse de côté. T'inquiète pas, on a préparé des putains de projets. J'espère ça va cartonner. La plupart nous ont laissés de côté. Alors qu'à l'époque ils nous suçaient, maintenant on roule tout droit vers le succès. Écoute un peu ce son qui vient sodomiser. Coup de couteau, chaque poteau pour t'achever. Je viens représenter JMX Music anti-BAC. On n'est pas alcoolisé. Retrouve-moi au studio pour enregistrer nouveau morceau avec du Bédo. Mini X, beatmaker, producteur, ne change pas, c'est moi le meilleur. Je suis Tiba en français, mes sons auront toujours du succès.